Chapitre 6e. La chambre de Miss Compton ne présentait pas l'aspect d'un confort bien complet. On était en novembre, il était 9 heures du soir. Un tout petit feu brillait dans la grille, et l'éclairage consistait en une seule chandelle. Mais bien qu'elle sût trouver auprès de Mrs. Barnaby le meilleur feu et la plus belle lumière de la maison, Miss Compton préférait sa solitude. Elle s'assit donc près de son maigre foyer, s'enveloppa dans l'épais manteau de camelot qui depuis tant d'années l'avait préservée de la rigueur du vent, le dimanche, lorsqu'elle se rendait à l'église, et se mit à réfléchir. Cette dernière entrevue avec son frère l'avait vivement impressionnée. Leurs deux cœurs s'étaient attendris, ils s'étaient ouverts l'un à l'autre. Josiah avait confessé à sa sœur ce qu'il n'avait jamais dit à personne, le remords qu'il éprouvait d'avoir vendu le bien de son père. Betsy, de son côté, lui avait avoué son acquisition de ces mêmes terres, qui valaient plus de 600 livres sterling de rente, et avait promis de faire de la petite Agnès l'héritière de ce qu'elle possédait. Pour dire la vérité, elle n'avait jamais eu une idée bien nette à ce sujet, et se trouvait assez interdite en pensant qu'elle venait de s'engager par une sorte de serment. Il était bien certain qu'Agnès était la fille d'un gentilhomme, que le nom de Willoughby ne jetterait jamais aucune défaveur sur celui qui voudrait se joindre à lui, et que la petite n'avait pas l'air de devoir ressembler en rien à la race des Wessex. Pourtant, elle se trouvait faible de s'être ainsi laissée surprendre, et tout absorbée, les yeux fixés sur son petit feu, elle songeait. Mais bientôt, sortant de cette méditation et retrouvant toute son énergie, elle s'écria « Non, ceci ne saurait me lier. Si l'enfant vaut la peine, je ferai ce que j'ai promis. Sinon, je montrerai que je suis encore libre de mes actions. » Miss Compton n'avait pas revu sa petite nièce depuis le jour où elle l'avait conduite au rectorat d'Hampton, petite ville située environ à 20 miles de Silverton. C'était à la femme et à la fille du recteur, Madame et Mademoiselle Wilmot, qu'elle avait confié à Agnès. Elle avait eu sur cette famille les renseignements les plus satisfaisants et toutes les garanties possibles que l'enfant recevrait l'éducation due à la fille d'un gentleman. Depuis la mort de Mrs. Compton, la pauvre petite n'ayant plus d'autre foyer que celui de sa tante Barnaby, la vieille fille ne s'était pas empressée de la faire venir, Madame Wilmot préférant d'ailleurs de beaucoup qu'on ne va pas interrompre des études commencées si tardivement. Il s'était donc écoulé près de 3 années depuis que Miss Betsy n'avait vu Agnès. Elle attachait la plus grande importance à l'effet qu'allait produire sur elle la vue de cet enfant. Car si elle ressemblait le moins du monde soit à sa grand-mère, soit à sa tante Martha, la petite bossue sentait qu'elle aimerait mieux léguer tout son bien à l'hôpital du comté que de tenir la promesse qu'elle avait si imprudemment faite. Toutefois, quelque chose lui disait au fond de son cœur que le choix n'était plus en son pouvoir. Et après bien des hésitations, voici ce qu'elle conclut. « J'ai dit qu'Agnès Willoughby serait mon héritière, et ce sera. C'est elle. Dut-elle devenir une Gorgone ou une seconde Martha, qui héritera des terres de Compton Bassett? Elles vaudront alors pour le moins un quart de plus que lorsque mon pauvre père, Dieu fasse paix à son âme, les a divisées entre ses deux enfants. Mais quant à mes chères 12 000 livres sterling placées à 3% et à ma petite hypothèque de 1 800 livres, ceci, et du moins bien à moi et n'ira jamais, non jamais, enrichir l'être, quel qu'il soit, qui aurait hérité des joues enluminées et des yeux noirs pétillants de Miss Martha Wessex. Non. Plutôt choisir un héritier dans l'hospice des enfants trouvés. » Quelque peu réconfortée par cette résolution, Miss Compton, dont la chandelle tirait à sa fin, descendit au salon, souhaita le bonsoir à la dame du logis, s'assura que son frère dormait en paix et vint se mettre au lit. Le jour qui suivit celui-ci fut un jour important dans les annales de la famille Compton. Ce jour-là, le dernier mâle de la race expirait, et la jeune fille à laquelle devait échoir ce petit patrimoine, remarquable uniquement par son ancienneté, faisait pour la première fois son apparition aux yeux de Miss Compton, revêtue du caractère de son héritière. Ce fut environ vers le milieu du jour que la chaise de poste qui amenait Agnès s'arrêta devant la porte de M. Barnaby. Depuis quelques heures déjà, ces dames, assises l'une près de l'autre, attendaient la voiture. Il est inutile de dire avec quel dégoût, toujours croissant, Miss Betsy avait dû subir toutes les fanfaronnades de sa nièce. Aussi s'était-elle dit « Pour peu que cette petite ressemble à cette créature, pour peu qu'elle lui ressemble en quoi que ce soit. » Je tiendrai ma promesse en mourant, mais d'ici là je ne la reverrai jamais. » Avec quelle angoisse ne guettait-elle pas l'entrée de la jeune fille? Un juge tenant entre ses mains l'arrêt de vie ou de mort de la pauvre bossue n'eût pas été attendu par elle avec plus d'anxiété. Son cœur battait à se rompre en pensant que dans un instant, d'un coup d'œil, elle allait savoir si Agnès avait l'air comme il faut ou si elle était une vulgaire beauté. Elle ne fut pas longtemps tenue en suspens. La porte s'ouvrit et on annonça « Mlle Willoughby ». On vit alors entrer une petite personne toute ronde, qui, quoiqu'elle eût près de 14 ans, n'en paraissait guère plus de 12, avec des joues aussi rouges que des pommes d'api et de grands yeux d'un gris sombre, encore plus brillants que n'avaient jamais été ceux de sa tante ou ceux de sa grand-mère. Après avoir fait quelques pas vers ses deux tantes, elle s'était arrêtée court, tout intimidée. On eût dit qu'elle restait là tout exprès pour se laisser examiner. Le jugement que les deux dames portèrent sur elle différa grandement, comme il était assez naturel de s'y attendre. Mais, circonstance beaucoup moins naturelle, eu égard au bon sens réparti à chacune d'elles, ce fut la plus jeune qui montra dans ce jugement le plus de discernement. Mrs. Barnaby trouva, et avec raison, qu'Agnès ressemblait exactement à sa pauvre mère qui était si jolie, et qu'elle la rappelait à ce même âge où Sophie était précisément elle aussi toute ronde et fraîche comme une rose, mais que toutefois cette ressemblance était mélangée avec la physionomie de Willoughby qui donnait à celle d'Agnès un air réellement patricien. Mais la pauvre Miss Compton ne voyait rien de tout cela. Ce qu'elle voyait, c'était uniquement qu'Agnès était petite, grosse, qu'elle avait de fortes couleurs et des yeux étincelants. Cette terrible vue était le coup de la mort pour toutes ses espérances et la confirmation si redoutée de toutes ses craintes. Ce fut en vain que lorsque la pauvre enfant parla, elle montra qu'elle avait la voix la plus douce. En vain que de belles boucles châtains, frisant naturellement, tombèrent en gros flocons sur son cou aussitôt qu'elle eut enlevé son chapeau. En vain que le sourire avec lequel elle répondit à la question de Mrs. Barnaby « Vous souvenez-vous de moi, Agnès ?» découvrit des dents aussi blanches et aussi régulières qu'une rangée de perles. Toutes ces choses ne furent que des charges nouvelles contre elle dans l'opinion de Miss Compton, car ne constituait-elle pas, dans leur ensemble, le plus brillant échantillon de ce qu'on appelle une vulgaire beauté. « Allons, » dit-elle, « je resterai jusqu'à ce que j'aie fermé les yeux au fils de mon père. » Puis je laisserai les beautés se débrouiller ensemble, et quand mon tour viendra de fermer les miens, les intérêts de mes rentes et mes hypothèques auront assez augmenté peut-être pour leur faire regretter de n'avoir pas su conquérir sur Elizabeth Compton d'autres droits que ceux de leur proche parenté. » Ces pensées passaient rapidement dans l'esprit de la vieille fille, mais leur impression fut profonde et durable. Elle s'assit en silence, d'un air triste et sévère, qui convenait du reste assez à la circonstance. Quant à Mrs. Barnaby, dont l'égoïsme se pliait peu aux événements, elle se mit à questionner Agnès. Comment étaient les gens chez lesquels elle vivait? Que lui faisait-on apprendre? Savait-elle danser? Comprenait-elle le français? Jouait-elle du piano? Dessinait-elle, etc.? À la première de toutes ces questions, l'enfant répondit par des éloges si exagérés que Miss Betsy la taxa immédiatement d'esprit dénué de bon sens. Et quant aux autres, la petite, naturellement timide, ne sut jamais dire qu'un « un peu », si bien que Miss Compton murmure en elle-même « Ah oui, terriblement peu, je le crois ». Il y avait environ une demi-heure que cet examen durait, quand M. Barnaby, entrant, vint dire « Le pauvre M. Compton est réveillé, mais d'après l'état de son pouce, si vous voulez lui dire adieu, je crois qu'il faut vous hâter. Martha, mademoiselle et Miss Willoughby ?»« Ma pauvre enfant, je regrette que votre première visite soit si triste. » Les trois femmes se levèrent immédiatement et suivirent en silence M. Barnaby auprès du lit du moribond. Il les reconnut toutes et exprima un vif plaisir à la vue d'Agnès. « Cher enfant, » dit-il en la regardant ardemment, « comme elle ressemble. Je suis heureux que vous soyez venu recevoir ma bénédiction, mon enfant. Que Dieu vous garde, Agnès. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous tous. » Il baissait rapidement. M. Barnaby prit sa femme par le bras et la conduisit, ainsi qu'Agnès tout en larmes, hors de la chambre. Lorsqu'il voulut en faire autant à Miss Compton, elle secoua la tête, et peu de minutes après, elle accomplissait le devoir pour lequel elle était venue. Elle fermait les yeux de son frère. Puis, volant immédiatement à sa chambre, sans prendre congé de personne, Elle donnait l'ordre qu'on lui amenât une chaise de poste, et quelques secondes plus tard, elle partait pour Compton Bassett. Mrs. Barnaby fut quelque peu surprise, et jeta de grands cris d'indignation lorsqu'elle apprit le départ mystérieux de la vieille fille. Non seulement elle trouvait le procédé inqualifiable à son égard, mais il y voyait assez judicieusement l'intention formelle de laisser Agnès à la charge de son oncle et de sa tante Barnaby, ce qu'elle ne voulait à aucun prix. Le brave pharmacien, toujours si bon, ne partageait pas les appréhensions de sa femme et déclara qu'il était tout prêt à garder Agnès, ou plutôt à la renvoyer pour quelque temps encore à Mrs. Wilmot, car il serait dommage de ne pas achever une éducation si bien commencée. Du reste, il était persuadé que Miss Compton, en partant ainsi précipitamment, avait cédé à l'émotion trop vive que lui avait causée la mort de son frère, et qu'on allait la voir revenir. Mais les funérailles eurent lieu, les jours et les semaines passèrent, et Miss Betsy ne revint pas. M. Barnaby se décida alors à aller faire une petite visite à Compton Bassett. Il trouva Miss Compton au coin de son feu, portant un deuil aussi sévère que simple, et lisant un roman. Elle le reçut avec politesse, et quand elle le remercia de l'hospitalité qu'il lui avait donnée, on sentait même dans ses manières un semblant d'affection. Toutefois, dès qu'il eut prononcé le nom d'Agnès, l'attitude de la petite dame changea complètement. Sa sérénité fit place à une expression de malaise bourru. Voyant cela, M. Barnaby se décida à traiter le but de sa visite en affaire et commença ainsi. « Je ne suis venu vous déranger, Miss Compton, que pour vous demander quelles sont vos intentions à l'égard de Mademoiselle Willoughby. Comptez-vous la renvoyer chez Mrs. Wilmot ?»« Je me suis beaucoup gêné jusqu'ici, M. Barnaby, pour faire les frais de l'éducation d'Agnès Willoughby. Je serai heureuse, si ce que j'ai fait peut être de nature à la mettre en état de se passer un jour aussi bien de vous que de moi. Je me suis engagé à prendre soin d'elle pendant 5 ans. Il reste encore 17 mois pour que ce laps de temps soit accompli. Je tiendrai ma promesse jusqu'au bout. Mais ne comptez en rien sur moi, après que ce terme sera échu, et faites-moi le plaisir de ne plus jamais me reparler d'elle. » M. Barnaby, fort mécontent de la manière d'être de Miss Compton vis-à-vis d'Agnès, qu'il avait trouvée charmante, pensa qu'il n'avait rien de mieux à faire que de se retirer. Il prit donc congé fort sèchement, ajoutant qu'il allait aviser à ce que Miss Willoughby fût renvoyée à Mrs. Wilmot. Au moment où il allait partir, la vieille fille l'arrêta et, lui mettant dans la main un billet de 10 livres sterling, elle lui dit « Comme c'est moi qui suis cause que l'enfant a été placé à une aussi grande distance de sa famille, je veux parler de votre femme, monsieur. Je pense qu'il est juste que je paye les frais des voyages qui en sont les conséquences. Employez donc cet argent de la manière que vous jugerez la plus convenable pour Agnès Willoughby, et faites en sorte que je n'en entende plus jamais parler ni d'elle ni de ses parents. Bonjour, monsieur Barnaby. » L'impression que fit sur Agnès et sur Mrs. Barnaby le récit de la visite du digne pharmacien se conçoit aisément. L'éclat si blessant des beaux yeux de la pauvre Agnès se trouva pour un moment obscurci par quelques larmes involontaires, car, par une chance aussi bizarre que rare, c'était précisément vers la seule personne de la famille qui lui montra une aversion aussi marquée qu'elle se sentait portée à plus de sympathie. Elle éprouvait pour cette vieille tante à laquelle elle devrait son éducation une profonde reconnaissance, et son jeune cœur était froissé de se voir ainsi repoussé. Quant à Mrs. Barnaby, lorsqu'elle eut entendu la déclaration qu'avait faite Miss Compton de ne plus jamais entendre parler d'Agnès, elle fit pleuvoir sur la tête de sa vieille corne de bélier de tante tout le vocabulaire d'injures d'autrefois. L'excellent Barnaby attendit paisiblement qu'elle en eût perdu haleine, puis, lui mettant un bougeoir entre les mains, lui dit « Allons maintenant, allons-nous coucher. Je suis bien certain que vous vous ferez un plaisir de montrer à votre désagréable parente qu'Agnès n'a besoin d'aucune autre tante que vous. » Paroles bénies qui portèrent un fruit abondant, car Mrs. Barnaby comprit de suite tout l'honneur qu'elle pouvait se faire aux yeux de tout Silverton par le contraste éclatant qui existe entre une bonne et une mauvaise tante. Mais, grâce à son bon sens, M. Barnaby eut bien vite compris que le désir de passer pour le meilleur oncle et la meilleure tante qui eût jamais existé ne devait pas nuire aux intérêts réels de la jeune fille, et il la fit reconduire à Hampton le plus promptement possible. Elle ne devait en revenir, hélas, quelques semaines avant l'expiration de ses 5 années, que rappelée par la mort de son bon et excellent ami M. Barnaby. Cet événement changea complètement son avenir et sa manière de vivre, ainsi que celle de sa tante, C'est à partir de cette époque que va commencer le récit promis sous le titre de la veuve Barnaby, les pages qui précèdent n'ayant été qu'un prologue nécessaire à la présentation de mon héroïne sous ce nom.